Un tremblement de terre, une vague géante, des explosions d'immeubles. Cette semaine, on a maté San Andreas et on en parle tout de suite. Alors, McFly, on peut savoir quelle décision t'as prise en ce qui concerne le plan de ce soir? J'ai pas le temps de faire ça, j'ai matériellement pas le temps de faire ça. Il me fait plus perdre mon temps, bordel de merde! Tournage d'un film? Je suis confus. Pourquoi est-ce que je perds mon temps avec un branquignol dans ton genre, alors que je pourrais faire des choses beaucoup plus risquées? Comme ranger mes chaussettes, par exemple. Bonsoir et bienvenue dans 2 heures de perdu cette semaine consacrée à San Andreas de Brad Pittman. À mes côtés pour en parler avec moi ce soir, Greg. Bonsoir, Greg. Bonsoir. Mickaël, bonsoir. Bonsoir, Antoine. Bonsoir à tous. Julie, bonsoir. Bonsoir. Ah, enjoué. Et Leslie Play. Bonsoir, Leslie Play. Bonsoir. Cette semaine, on parle de San Andreas de Brad Pittman. Scénario réalisé par 6 personnes, je sais pas qui, mais en tout cas ils étaient 6 pour pondre ça, sorti en 2014 de 114 minutes avec Dwayne Johnson, Carla Giugino, Alexandra Daddario et Yann Groofood, on dirait des faux noms. Et pour ceux qui ne se souviennent pas, ça ressemblait à ça. Je vous le dis avec insistance, vous devez partir, mais sans perdre une seconde. Parce que ce qui se passe ici, en Californie, on va le ressentir jusqu'à la côte Est. Tout le monde à terre ! Voilà, voilà, ça va péter dans tous les sens, on entend beaucoup de... Il y a un beau sound design, hein. On peut pas dire le contraire. Hein. Assez vénère. Ça donne vraiment envie. Hein. Ouais, ça donne très envie, on n'est pas déçus. Ouais. Ah, on n'est pas déçus, non. On va vous dire pourquoi on a choisi ce film, c'est pas nous. C'est Leslie qui a choisi ce film, notre invité cette semaine, qu'on a, que je n'ai pas assez présenté. Leslie Play, qui fait de la bande dessinée, qu'on aime beaucoup. Alors pourquoi ce film, Leslie? En fait, j'adore les films catastrophes. J'aime beaucoup voir les gens mourir aussi. Et j'adore, je vais tout le temps les voir, 2012 ou Tutti Quanti. Et c'est vrai, j'ai... ou pas? Ouais, vraiment. D'accord. Et mais je trouve ça toujours nul. Mais je sais pas, ça fait partie du truc. C'est un peu comme les films d'horreur nuls. J'aime bien. Et j'ai été le voir au cinéma. Et là, je me suis dit, mais celui-là, il est vraiment. Ils ont tout fait, tous les clichés. Il y a trop de choses à dire pour 2 heures de perdu. Ouais, il est Et celui-là, voilà. Pour l'info, t'as payé combien pour aller voir ce film? Eh ben, je sais pas. Alors, des fois, j'y vais le dimanche matin. Du coup, c'est 6 euros. Tu te lèves le dimanche matin pour aller voir des films comme ça? Bah ouais, parce que je paye moins cher. Du coup, j'économise. Ah oui. Ouais, tu vois. Ah, je me le réveille à 6 heures pour me faire un bon film catastrophe. Pour être revenu pour Téléfoot, quand même. Non, moi, je suis pas du tout d'accord. Hein. Franchement, je trouve qu'il y a un très bon scénario, très original. On l'a jamais vu. Personne. Ah, mais c'est totalement inédit. Hein. Ouais, c'est inédit, franchement. Je sais pas pourquoi, Greg. Ça va être un peu de mauvaise foi encore. Des accroches, ouais, non, pas du tout. Non, là, je suis vraiment sincère. Des accroches vraiment bien, tu vois, des explosions, tu vois, en plus ça va vite. On est toujours tenu en haleine par les explosions et tout. Moi j'ai vraiment. Tu l'as regardé à quelle vitesse celui-là, Greg? J'ai regardé vitesse normale et c'était bien chiant. Non, c'est vrai, tu l'as regardé normal. Ouais, j'ai regardé normal. Moi j'ai passé en accéléré à la moitié. Ouais. Bah, moi faut que je vous donne quelque chose. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Bah, moi j'ai. Non, mais au ralenti. Bah, moi j'ai bien aimé ce film, je me suis amusée. Alors, c'est clair que il écume un peu les trucs, mais je trouve. Ouais. Mais il a ce truc des films catastrophes un peu sympa, quoi. Mais je trouve qu'en fait, vu qu'il est conscient de son propre second degré, du coup, Si. Je trouve que le jeu est un peu paresseux comme film. Tu vois bien dans le regard de The Rock, second degré. Bah oui, dans son regard de chien. Je me suis bien amusé, j'ai trouvé qu'il y avait des plans qui étaient quand même très sympathiques de l'hélico et tout. Ouais, bien fait. Non, ceci, il a quand même une qualité ce film, c'est qu'on s'ennuie pas quand même. Il n'y a aucun moment où je me suis fait chier. Mais arrête, tu te fais chier du début à la fin, je suis désolé. Mais ça, c'est bien parce que c'est toi. Oui, c'est Greg, ça. C'est trop chiant. Je veux dire, t'as des explosions tout le temps, il passe tout le temps. Mais ça, c'est une règle du film. Il passe tout le temps à côté de la mort à une seconde près. Bah oui. Du début à la fin, c'est une catastrophe. C'est toujours dire... comme ça, hein, on le sait. Hein. Mais je ne suis pas d'accord. Moi, j'ai vraiment cru qu'ils allaient mourir à la fin, franchement. Mais alors, mon avis. Mais je me suis diverti. Il a l'air d'intéresser personne, je le donne quand même. Allez, vas-y. Je ne me suis pas vraiment trop ennuyé, mais je me suis quand même un peu fait chier. Hein. Tu viens de dire deux choses complètement différentes. Il faut choisir, là. Non, mais le paradoxe. En fait, au bout d'une heure de film, je fais c'est pas mal. Et là, j'ai bougé, j'ai regardé la time bar et j'ai vu que j'étais qu'à la moitié. J'étais à 7 minutes 30. C'est pas mal, mais là, il ne peut pas rester une heure de film, c'est pas possible. Donc, je suis passé à 130% de vitesse. Le film est globalement pareil, à mon avis, ça va. Ah ouais, tu comprends pas moins bien. Mais c'est un peu l'accumulation de ça va péter, quoi. Au bout d'un moment. Ouais. Bah moi j'ai eu un problème déjà, j'ai prêté le DVD à la bibliothèque. Ah, passé, je vais faire réclamation au bout d'un moment quand même, parce que ça fait quand même un an. Mais commence à nous faire chier ta bibliothèque. Ah ouais, ouais, chaque fois tu m'attends pas mon film. Je donnerai pas l'adresse quand même pour pas faire la mauvaise pub, mais bah ils m'ont filé Fast and Furious 8 quoi, du coup, avec tous les moyens de locomotion. Bah d'ailleurs, en plus ouais, c'est la même bande annonce. Oui c'est ça. Qui résume l'histoire qui est très complexe. Eh bah, ben le coupable. J'y vais. Eh ben, en fait, comme tout le monde le sait, en Californie, il y a une grande faille qui s'appelle la faille San Andreas. Ah, d'où le titre. Voilà, et, et donc c'est un deux plaques tectoniques qui vont certainement, à un moment donné... Ah, attention, parce que Greg est géologue, hein, donc tu parles... créer un énorme... En fait, c'est vrai que c'est attendu en Californie depuis super longtemps, qu'il y ait un énorme tremblement de terre. Ils appellent ça The Big One. The Big One, voilà. Et là, il se trouve que ça arrive, mais puissance vraiment, là, le truc de fou. C'est quoi. Pas semblant, hein. Voilà, c'est, pas semblant, c'est vraiment, ouais. Et c'est tout en progression. Puissance Fast and Furious 6. Hein, et après, sinon, monter, monte dans une les fois tours, qu'on quoi. A dit ça, je pense qu'on a à peu près tout résumé. Bah, Dwayne Johnson va aller chercher sa fille à San Francisco. Voilà, voilà. Eux, ils sont à Los Angeles. Alors, Dwayne Johnson, pour ceux qui ne savent pas, c'est le mec qui est aussi dans Fast and Furious, c'est l'homme qui n'a pas de coups, qui a fait beaucoup de catch. Ah, il a fait du catch. Qui est vraiment, vraiment. C'est ça, d'ailleurs, ça m'est imposant. Grosse... Je dois avouer, je connaissais pas le film, moi qui aime bien cet acteur, parce que je fais du catch en amateur. Hein, un peu... J'en fais le dimanche matin, moi aussi je me lève à 6h. Bah, laissez-le deviner en voyant son physique. Pour enregistrer le podcast. Oui, je suis en slip là. Puis le fait que t'as un masque de catcheur mexicain à chaque fois qu'on te voit, nous a mis la puce à l'oreille, évidemment. Je vais t'envoyer dans les cornes, tu vois. Et c'est une masse, hein. C'est un homme très. Qui a... Ah oui, il est impressionnant. Il a toujours les bras. Hein. Il a toujours les bras à 35 degrés en fait. Il n'arrive pas à les mettre le long de son du corps. Du coup, c'est vrai qu'il a une petite tête hein, par rapport à son corps. Oui, c'est vrai. Mais je crois qu'il mange beaucoup de quinoa et des œufs. Mais moi, je pense qu'il a surtout un problème d'épaule parce qu'en fait, il est ultra baraque, mais il a les épaules en triangle, ce qui est très très moche quand t'es baraque en plus, quoi. Non, vous n'avez pas noté ça. Je t'invite à faire un peu et à revenir en parler hein, après. Si moi, je suis quand tu parles d'épaule en triangle. Toi, ma chérie, ton corps, c'est mon V. Alors le film s'ouvre sur une fille déconcentrée dans sa voiture puisqu'elle joue avec l'autoradio, elle boit du Pepsi en se retournant, ce qui n'a aucun sens. Elle joue fléchette. En plus, elle est quand même dans une route de montagne sinueuse, ouais, c'est vrai qu'elle avec est... des précipices géants et elle regarde pas du tout la route. C'est le Mont Ventoux qu'elle est en train de faire en Tour de France avec son 4x4. Elle est en train de tricoter aussi, ouais. C'est très dangereux. Quoi. Et alors là, elle va pas voir un accident, elle va voir un turbo-accident, ça m'a vraiment fait hurler de rire, c'est-à-dire qu'elle va, elle va tomber, elle va s'effondrer avec ses caisses là dans la falaise. Elle va faire des tonneaux, mais attends, à l'infini. Pourquoi déjà, je me souviens plus. Parce qu'il y a des petits cailloux qui tombent sur le pare-brise. Oui, il y a des petits cailloux qui tombent sur le pare-brise. Il y a un gros éboulement sur sa voiture. Ouais, c'est ça. C'est la première fois où le fameux panneau, tu sais que t'es en haute montagne avec les trois cailloux qui tombent, il sert enfin à quelque chose, quoi. Ouais. Mais en fait, moi, je la trouve pas mal cette scène parce qu'il y a deux moments où elle croise des voitures en train d'envoyer les textos. Et on pense que du coup, c'est une fausse piste. Exactement. Moi, je trouve ça vraiment trop téléphoné. Je suis désolé. Tu regardes un film catastrophe. Dès le début, ils te font la mini cata d'intro pour introduire les gars. Et donc, bon, elle est dans une route de montagne, elle leur dit oh là là, bah, qu'est-ce qui va se passer, dis donc. Et puis elle prend un truc derrière, elle prend un truc devant, oh là là, bah dis donc, il va sûrement avoir un accident, on l'attendait pas du tout, c'est vraiment bien. Heureusement qu'il y a des branches sur les rochers quand même. Et alors là, c'est assez marrant parce qu'elle va tomber dans le précipice, elle va faire des roulés-roulés-boulés, à un moment elle va s'arrêter et hop, elle va refaire des roulés-boulés, on aurait dit bip-bip et le coyote quand il tombe et qui retombe et ça s'arrête à l'un, ça s'arrête jamais. Et alors là, qui c'est qu'on envoie? Alors attends, petite précision, parce qu'il y a un détail qui m'a fait rire, moi, c'est qu'en fait, comme elle fait des tonneaux dans la voiture, dans le vide... Elle a un peu de pesanteur par moment. Voilà, on dirait qu'il y a une brosse à cheveux en gros plan. En fait, il y a toutes ces affaires qui volent, donc une brosse à cheveux, je crois qu'il y a des bigoudis avec un fer à lisser, je pense. Un peu ralenti. Et ouais, c'est assez drôle, je vois. C'est pas mal foutu. Et là, il y a l'hélico. Ça passe un coup de blush, d'ailleurs, non. L'hélico de survie. L'hélico, mais... Alors là, ça y est, c'est parti. J'ai failli imiter un bruit d'hélico, je me suis retenu. Dwayne Johnson. The Rock qui arrive avec toute son équipe. Alors son équipe, on va pas trop s'attarder parce qu'on va plus jamais les revoir du film. Eux, c'est des gros feignants. Et alors Dwayne Johnson, il est pilote d'hélicoptère et il fait tout en fait, grosso merdo. Bah oui. C'est The Rock. C'est un peu le film des valeurs. Alors lui, c'est. Il est modeste déjà. C'est valeur man. Ouais, non mais pas. Il est modeste. Contre, ça, c'est vrai que c'est un bon gars. Moi, je l'aime bien en fait. Bah. Ah ça y est, tu vas revenir dans notre. Malgré ses épaules, pas du tout. Mais par exemple, la journaliste qui les accompagne dans l'hélico pour faire une interview, parce qu'évidemment, c'est des héros. Exactement, April O'Neil qui est là. Qui est la seule journaliste de Californie d'ailleurs. Oui, toujours la voir. Ouais, c'est trop compliqué de trouver deux acteurs pour faire deux journalistes différents. Et là, elle va lui dire, ça m'a fait marrer. Elle lui fait, elle s'adresse à Dwayne Johnson et elle fait, il paraît que avec la guerre et machin, parce qu'évidemment il a fait la guerre, avec la guerre et votre job finalement d'infirmier hélicoptère, vous avez sauvé à peu près 600 personnes. Et il se retourne et il fait, just doing my job. C'est que ça quand je dis qu'il est modeste, c'est vraiment genre. C'est valeur, quoi. Ouais, c'est valeur. Et il fait quand même des sacrées acrobaties avec cet hélicoptère. Il fait la bascule. Le basculer pour le faire passer dans la faille. J'aimerais bien qu'on parle d'un truc, c'est quand même, il a ce kit main libre d'hélicoptère qui lui permet d'appeler donc la victime dans la voiture. Ouais, ça a aucun sens. C'est vraiment SOS hélico en détresse, quoi. Tu en fait, oui, c'est relié directement à son casque. Mais c'est, il a c'est le kit main libre de l'hélicoptère. Oui, moi, je trouve ça fascinant pendant tout le film. Je sais pas si vous avez remarqué, à un moment donné, il reçoit un fax. Oh, encore de la réclame. Et le pilote d'hélicoptère, il a une tablette avec des renseignements sur la meuf. Elle s'appelle machin, donc il pilote l'hélicoptère, mais il a aussi des tablettes et tout. Non, mais c'est ça. En fait, lui, Dwayne Johnson, il est en train de conduire l'hélico. Il fait comment elle s'appelle la victime. Et l'autre, il touche deux trucs sur son iPad. Elle s'appelle Nathalie, tu peux me la connecter? Ouais, ouais. Alors attends, collision. Nathalie. Non, mais en plus, il a des méga gants d'hélicoptère qui fait que tu peux pas du tout taper sur l'iPad. Enfin, bon, ça, c'est faux. Moi, j'ai cru qu'ils allaient nous faire une cliffhanger au début. Hein. Je pensais qu'ils allaient. Alors là, ils t'en font pas une, ils t'en font 12. Parce non, que... mais une cliffhanger en mode que ça allait être le trauma et qu'il allait la laisser tomber et qu'il allait pas la sauver. C'est The Rock. Il y a un autre trauma. Il y en a un autre de trauma. Tu veux pas non plus qu'il soit drôlement traumatisé non plus. Alors là, ce qui est marrant, c'est que la bagnole, elle est coincée dans une faille. Ouais, elle est complètement à la verticale, la voiture. Ouais, on se demande vraiment comment elle tient. Il faut savoir que c'est un 4x4 qui est retenu par une branche. Ouais, c'est en fait. Ça. Ouais. Par une branche de framboisier. Ouais, pour avoir regardé Jurassic Park à peu près 250 fois, je vous avoue que c'est possible de coincer des 4x4 dans des arbres. Hein, et mais là, c'est pas un arbre. Il y a vraiment, il y a juste un branchage d'ortie. En fait, elle est retenue par un chewing-gum qu'un randonneur avait laissé. Bah, moi, je sais que j'ai abandonné une voiture en forêt, j'avais roulé sur une mauvaise branche, j'arrivais pas à l'enlever. Non, par contre, je veux bien reconnaître un truc à The Rock, c'est qu'il a vraiment les bons mots, parce que quand la bagnole est près de se casser la gueule, il lui dit, quand il est au téléphone, justement, il dit « Restez calme ». Et ça, franchement, c'est vraiment les bons mots, quoi, parce que... Bah, la preuve, elle reste calme. Heureusement qu'il dit ça. Hein. Non, mais surtout, la voiture, elle est méga instable. Elle est coincée dans une espèce de faille où c'est trop galère d'aller en hélico. Il y en a un qui se coince. Et pour 30 mètres de câble, il dit... On va rentrer dans la faille avec l'hélico. Bah mec, ça va, déroule un peu plus de câbles. Qu'est-ce que tu fais là? Et pourquoi il y a en même temps ce problème où ils ont plus de gasoil? Oui, c'est vrai. Ils ont oublié de faire le plein. Ils ont complètement oublié de faire le plein en y allant, quoi. Sinon, c'était trop facile. C'est le stagiaire qui l'a ramené. Non, mais surtout que ça n'a aucun sens parce que pendant la rescue, la jauge d'essence, elle commence à faire. J'ai fini. Bah comment vous allez rentrer, les gars? Alors que dès qu'il sauve la meuf, c'est bon, le gaz est ok, quoi. Dès qu'il sauve la meuf, l'essence, ça fait vous, elle revient. Non, mais ça, c'est complètement incohérent. Bon, alors, faut qu'on avance parce que c'est la première scène. Il arrive à arracher la portière avec un bras. Oui, il arrache une portière. Moi, j'ai cru qu'il allait descendre avec son slip et puis sa chaise pliante. Attends, mais alors, du coup, ce qu'on dit pas, c'est que c'est tellement un mec de valeur qu'à un moment, il fait bon, allez, c'est bon, vous me faites chier, toi pilote l'hélico et moi, je vais descendre parce que là, je vous sens pas capable. Il descend, bon, il débloque la bagnole, il sauve la meuf et tout. Et il y avait un premier mec qui était descendu et qui s'était bloqué le bras, mais genre en mode bras arraché et qui bat de fou. La voiture tombe dans le vide, tout le monde sauve la meuf. Le mec est encore accroché et là, The Rock, il le regarde, il lui fait un pouce en l'air. Et l'autre, le gars, il a le bras explosé et lui fait « Yes, moi aussi, pouce en l'air !» Non mais mec, toi, t'as plus de bras, qu'est-ce que tu fais? Bref, ça c'était une bonne scène d'intro quand même. Bonne scène d'intro. Ouais, ça commence bien. Qu'est-ce qu'enchaîne avec une scène d'intro? Bah, une scène de scientifique, je pense. Alors, le scientifique, encore une fois, grosse prise de risque, petit grisonnant, dégarni avec des lunettes. On n'est pas passé loin du chinois, hein. C'est vrai, parce que souvent les scientifiques sont chinois dans les livres. Il a un connect chinois. Il a forcément un collègue chinois qui s'appelle Kim. On n'est pas passé loin de Jeff Goldblum aussi, à mon avis. C'est ça. Donc, c'est l'exposé classique, comme dans Julie, c'est-à-dire pour vraiment nous expliquer. Le professeur, il est devant une assemblée de mecs méga intelligents, mais il montre un reportage d'une Télévité sans nom avec la liste. Alors, en fait, juste une petite précision, Antoine, quand un professeur parle devant une assemblée de gens méga intelligents, ça s'appelle un cours, en fait. Il est censé être à Caltech, là, c'est censé être l'institut genre hyper balèze. Il est censé vraiment donner des infos de ouf. Est-ce que c'est l'école d'ingénieurs de Calais? Mais Caltech, c'est hyper connu, mec. Et oui. Mais quand même, voilà. Ça va, on a des potes. Et en fait, il fait un truc hyper minable où il fait genre un article BuzzFeed, les 10 plus grands séismes, genre le 5e va vous étonner. Et c'est vraiment ça, il donne. Enfin, c'est nul quoi, le niveau est. Vous ne saurez jamais ce qui est arrivé après ce tremblement de terre. Le mec, il t'a fait un topito tremblement de terre. Mais complètement. Et je sais pas si vous avez regardé, mais sur le tableau blanc derrière, enfin en plus, c'est un vieux tableau de cours. il y en a au moins 8. Et il y a des équations, mais méga fou, compliquées, ouais, avec des intégrales fou, dans tous les sens, alors qu'il y a juste un pauvre reportage trop vague sur. Mais ça, c'est un truc classique dans plein de films. Il y a ça dès qu'il y a un. Ils vont prévoir les tremblements de terre. Faut bien qu'il y ait des équations quelque part. Hein. Mais pourquoi c'est jamais hyper bien écrit? Genre, pourquoi c'est toujours genre écrit n'importe comment, genre dégueulasse? T'as jamais fait de science, donc ça. T'as déjà lu tes ordonnances de médecin. Eh ben, ça ressemble à ça. Alors, le pauvre Dwayne Johnson, notre pauvre ami The Rock, on apprend qu'il était marié, qu'il n'est plus marié, qu'il a une fille. Ah, ça s'est fait très vite. Hein, et alors ça ressemble... Qu'il a une fille qui est à son âge presque. Hein, parce que, genre, s'ils ont, je crois qu'ils ont 12 ou 13 ans d'écart. Bah, il l'a eu à 12 ou 13 ans. Il l'a eu hyper tôt quand même. Alors, je voudrais faire un point fille. C'est très important. Ouais. Elle a vraiment d'énormes yeux, quoi. Blake. Bien joué. Alors, elle a de très gros yeux. Alors, en fait, moi, ce qui me gêne un peu, c'est que. C'est pas qu'indécent tellement elle a des gros yeux. C'est que cette fille. Mais on voit que ça tout le long du film, ses yeux. Et alors, tous les plans où. Quand elle tombe, hop, ses yeux, alors qu'elle a des lunettes de soleil, hop, les lunettes de soleil tombent, et on voit ses gros yeux en énorme. Quand elle court, on voit ses yeux gigoter. Non, alors, c'est assez agaçant parce que c'est la caution sexuelle de ce film, en fait, cette meuf, parce qu'elle a vraiment une énorme paire de seins. Et le truc, c'est qu'elle a 15 ans. Donc, à un moment, en fait, c'est normalement. Je sais pas quel âge elle a, mais. Non, généralement, dans un film catastrophe, la caution sexuelle est plus âgée et elle a une petite sœur ou un petit frère. Oui, mais entre 90 et 97 ans. Elle a 15 ans, Julie. Ah ouais. Oh là là. Je veux dire, moi, j'avais pas des seins comme ça à 15 ans. J'en ai toujours pas, d'ailleurs. Les Américains, t'inquiète. Bon, bref, en tout cas, cette fille et sa mère, ce sont. Vous avez vu la série True Detective? Oui, mais c'est elle. Oui, c'est elle. Bah oui. J'avais pas remarqué. Et elle est topless d'ailleurs, hein, si vous voulez aller plus loin dans votre connaissance d'Alexandra Daddario. N'hésitez pas. Bon, alors du coup, ce qui se passe, c'est que elle et sa mère ont changé de foyer, puisqu'elles vivent avec un connard de mille, un architecte millionnaire sans valeur, lui pour le coup. Lui, il a zéro valeur. Et d'ailleurs, ça va se prouver. Hein. Ah oui. Et alors là, il y a une mise en scène extrêmement subtile, c'est-à-dire que. Il parle au téléphone avec sa fille, où on comprend qu'elle vit avec un autre qu'elle vit avec sa mère et chez un autre homme et blablabla. Donc il est un peu dépité. Et là, il raccroche le téléphone et il y a un gros plan sur une feuille de papier et c'est écrit Paper of Divorce. Ouais, voilà. Putain. Oui, les papiers du divorce, c'est vraiment genre. C'est écrit en rouge. Les papiers du divorce. Donc c'est qui sont les papiers du divorce, monsieur le juge? Vous n'avez pas rempli les papiers du divorce. Mais moi, c'est ce qui m'énerve dans ces films, c'est qu'on te prend pour un con dès le début. Ah, mais complètement. Justement, pour t'apprendre les tremblements de terre au début, bah, t'as un prof qui te fait un cours débile, et puis pour qu'on puisse comprendre, parce qu'on n'est pas capable de comprendre qu'il est en train de divorcer, il faut qu'on nous montre les papiers de merde, et après, quand ça va exploser, il va falloir nous montrer une étincelle, quoi, tu vois. Ça, je pense que c'est pour les gens qui regardent en accéléré, alors excusez-moi. Bah, même en accéléré, c'est chiant, tu vois. Alors, après, il va dans la chambre de sa fille, qui a effectivement 15 ans quand tu vois sa chambre, parce que tout est rose, ouais. Avec des poupées, il regarde des photos en pleurant. Je crois que c'est la seule fois qu'on voit The Rock pleurer. D'ailleurs, le montage sur la photo, il est ému. Mais oui, il est ému. J'ai même dit qu'il rigole tout seul en regardant des photos de vacances sur mes notes. Ah bah, si tu l'as dit, alors là. T'as vu la scène coupée où il se fait la séance diapo pendant trois quarts d'heure? Ouais, il se regarde un super 8 de sa fille. Alors, faut qu'on avance. Là, nous sommes sur un barrage. Alors, notre expert qui est capable de prédire les tremblements de terre, bah, celui-là, il l'a bien pas prévu. Il y a une joie qui émerge de. Non, mais surtout, ils sont là, genre, putain, on prédit les tremblements de terre. Et là, il y a un méga tremblement de terre qu'il a pas du tout prédit. Mais oui, c'est ça, il est prédit juste à 10 secondes près, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a des outils ultra perfectionnés de sismologues qui lui permettent de prévenir ce qui se passe dans le temps présent. Ouais, voilà, c'est grave nul quand même pour un sismologue. Et alors, bon, bref, il a un modèle prédictif, tout lui pète à la tronche. Et là, on est sur un barrage. En fait, il est pas sûr que ça prédise bien. Là, il vérifie, du coup. Oui. Ouais, mais en fait, il vient de découvrir le truc qu'il prédit, quoi. Ouais, mais sauf que s'il avait vraiment prédit un putain de tremblement de terre comme ça, il n'y serait pas allé. Donc en fait, il a pas bien prédit non plus, quoi. Oui, parce que moi, je me suis dit, mais il est con d'y être allé. S'il avait su qu'il avait prédit et que l'autre avait prédit qu'il allait prévoir. Ce qui est surtout très impressionnant, c'est qu'il faut aller dans les tuyaux du barrage, quoi, pour prédire les tremblements de terre. Je veux dire, c'est trop bizarre. En fait, il confirmait une théorie plutôt. Oui, c'est ça, il confirmait une théorie. C'est très bien prédit qu'il confirmait. Bah s'il avait confirmé qu'il allait prédire, peut-être qu'il aurait pu prévoir ce tremblement de terre. Or, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Il y a un truc qui est assez impressionnant, c'est que le barrage se met à craquer dans tous les sens, tout commence à s'effondrer, c'est la panique totale et complète, ouais. Les mecs courent dans tous les sens depuis 10 secondes, le vieux, il est au milieu, il fait « Tout le monde, s'il vous plaît, il faut vraiment évacuer le barrage !» Mec, c'est ce qu'on fait depuis 10 minutes. Je comptais rester dessus. Je ne sais pas si vous avez remarqué, c'est le barrage le plus fréquenté du monde. C'est-à-dire qu'une autoroute dessus, en fait. Ouais, c'est en voiture. C'est une 4 voies. Il y a des plots aussi qui remontent comme si ça allait t'aider à te mettre à l'abri. Il y a des plots là de sécurité qui montent. C'est pour empêcher les gens de. Et quand le barrage pète, ça pète. pile au niveau des plots juste après. Mais heureusement ça dépasse pas quoi. Heureusement qu'il y a ces plots là parce qu'imagine tu vois t'as The Rock qui arrive, il se dit vas-y je l'attends, obligé. Ouais. Et non, pas sécure. Heureusement il y a les plots. Ouais. Il a The Rock, ouais. Donc, là, il aurait tenté. Là il y a une mère indigne qui abandonne sa fille. Sacrifice du chinois. Kim sauve un enfant. Très impressionnante cette scène. Sacrifice du chinois. Du lancer d'enfant. Ça m'a fait penser au lancer de nain et ça m'a fasciné quoi. C'est vraiment. Et alors encore une fois un sacrifice de chinois dans un film avec The Rock, hein, c'est un peu, je pense que il y avait ça dans Fast and Furious 6 aussi. Je pense que pour qu'il signe un scénar, il fait bon, j'aimerais bien qu'un chinois qui meure. Alors ensuite. Alors bah attends, il y a juste un petit détail qui m'a fait mourir de rire, c'est qu'en fait, donc le chinois sauve la fille. Oui, il la jette. Donc il la jette dans les bras du vieux professeur. Il meurt devant le professeur. Le professeur est effondré. Et il y a la mère qui vient et qui reprend sa fille. Oui, elle s'en va oui, elle leur prend, mais donnez-moi ma fille. D'un coup, c'est un kidnappeur, je pense. Et alors là, le professeur scientifique, il va nous expliquer quelles sont les pailles. Il y a un monde de déformation naturelle. Et géologiquement, les événements de déformation tracent des frontières. Ils tracent des frontières. Et si... Et si cette grosse portion de terre est connectée à notre plaque tectonique, ça voudra dire que ce qui est arrivé hier au Nevada n'était pas une anomalie. Non, il s'agissait peut-être d'un mouvement précurseur ayant longé la lisière de la faille de frontière entre plaques partant de Los Angeles et remontant vers San Francisco. Vous êtes en train de dire qu'il se peut que la faille de San Andreas s'ouvre ? Oui, c'est exactement ce que je dis. Qui est-ce qu'on appelle ? Le monde entier. Allô, Taïwan ? Ouais, il y a un tremblement de terre, là. Donc voilà, hein, vous avez compris, c'est vraiment tremblement de terre 2000, puisque là, tout va se décrocher. Mais c'est drôle, quand il revient, le scientifique, dans son bureau, il y a un gros plan sur une photo de lui avec Kim, où ils sont en trek, et pour montrer qu'ils étaient vraiment super copains et qu'ils étaient super proches, et du coup, c'est vraiment super triste qu'ils soient morts. Bah ouais, c'est vrai, mais c'est pareil, moi, si j'avais pas vu ça, j'aurais pas compris. Sinon, on n'aurait pas été émus, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai. Puis il a des livres de Einstein dans son bureau. Ça, c'est pour montrer qu'il est intelligent. En gros, ça, c'est pour... Ouais, voilà. Non mais les mecs qui font la mise en scène sont vraiment subtils. Je rappelle, déjà... ils étaient 6, hein. Heureusement qu'il y a 6 pour le scénar. Sinon... Juste pour le scénar. Il y en a un qui a pensé, il faut dire, faut mettre des livres sur dans les mecs intelligents, il y a qui il y a Einstein. Ouais, j'ai peur, les gens ils comprennent pas, j'ai revisionné le chinois, on comprend pas qui c'est. Franchement, il faut mettre une photo, je sais pas, ils sont en vacances. Ils sont au Parc des Princes, j'en sais rien, juste les mettre ensemble. Est-ce que vous voulez une anecdote sur ce film qui s'appelle San Andreas ? Une anecdote rigolote. Ah, on parle de San Andreas. Vas-y, ouais. Ça a été tourné en Australie. Moi, je trouve ça hyper drôle de faire un film qui se passe en Californie et de le tourner en Australie. Voilà, c'est tout. D'accord. C'est une petite anecdote. Comme oui, c'est bien. C'est drôlement moins cher, l'Australie. Bah, oui. Moi, j'avais reconnu l'Aveyron, mais du coup, probablement moins de ça. Mais... Alors là, sa femme, elle est en train de dîner. On va pas raconter le bail avec la sœur. Elle dîne avec Kylie Minogue. Oui, ouais. Pourquoi Kylie Minogue ? Ouais. C'est très souvent. Ils sont en Australie, donc ils sont en quota d'acteurs en Australie. Mais tu sais que je suis sûr que c'est non. Non, mais pas passé... En plus, on ne sait pas qui c'est. On n'est pas passé loin de la moitié du casting d'Harley Quinn à vivre. C'est ce que j'allais dire. Et d'ailleurs, elle fait un truc très con pendant le tremblement de terre. Elle va courir et elle va fermer la porte derrière elle. Ça, j'ai pas bien compris. Pour tomber dans le vide. Mais du coup, alors elle a Kylie Minogue et après elle dîne avec ACDC. Du coup, Australie. C'est Australien, ACDC. Oui. Anecdote. Oula, pas mal. Alors, d'un seul coup, il y a un tremblement de terre. Dwayne Johnson, il a sa femme au téléphone. Lui, pendant ce temps-là, il est tout seul en hélico. Qu'est-ce qu'il fout là ? Pépouse. Oui. Et sa petite sortie. C'est comme et là, Captain Sky, il fait des petits tours. Il attend. Ouais. Et là, du coup, sa femme, elle lui fait putain, il y a un tremblement de terre, tout tremble et tout. Et lui, il est en hélico et il regarde par la fenêtre de son hélico. Et là, on voit des routes qui s'effondrent. On voit tout. Et lui, il fait genre. Ouais, j'avoue. Bah, mec, ça fait 20 minutes que tout doit péter dans tous les sens. Mais quoi. Non, mais c'est même, en fait, c'est même pas des routes. Il y a une espèce de vague terrestre où on voit tout ça. Ça, c'est bien fait. Ouais, enfin, c'est bien fait. C'est pas effet spécial 3. Bah, manquerait plus que ce soit mal fait, quoi. Bah, ouais. Enfin, c'est-à-dire que si ça arrive, genre. Si ça s'appelle Sharknado, j'aimerais vous le rappeler. Et puis c'était pas très bien fait. C'était pas le même objet en même temps. C'est vrai. Si ça fait vraiment une vague comme ça, je pense qu'il y a rien qui résiste aussi longtemps, quoi. Ouais, c'est mon avis. Hein, ouais, c'est l'avis de Greg. Alors, pendant ce temps-là, la fille de Dwayne Johnson attend dans le hall du super lobby, du super building, du super connard Daniel. Alors, c'est un connard parce qu'il n'a pas d'enfant. Déjà. Ouais, et il dit pourquoi t'as pas d'enfant et tout. Lui, il n'a pas de valeur. Ouais, tu vois. Parce que je travaille trop. Ouais, bah moi et tout, mes enfants, c'est mes buildings. Ah, il dit ça, mes enfants, c'est mes buildings. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui craque pendant un tremblement de terre ? c'est des buildings, on peut pas se reposer là-dessus. C'est vrai. C'est alors un... que la famille, elle, c'est voilà. Tient. Ouais. C'est ça les valeurs. Ouais. Là, moi, il y a un truc, c'est pourquoi elle attend toute seule dans le hall comme une conne alors que son père, c'est le méga chef, quoi. J'ai pas compris. Qu'est-ce qui se passe? Non, je demandais s'il dînait avec ses buildings à Noël, du coup. Oui, ah oui. Il leur fait des cadeaux. Ouais, non, mais c'est vrai qu'elle attend, comme une débile, bon, bref. Et alors là, c'est le tremblement de terre. Ils vont partir en bagnole dans un parking avec Daniel. La voiture va être bloquée par un énorme tronçon de béton. Et elle, elle va être bloquée, le pied coincé sous une pierre, encore une fois, du jamais vu dans un film catastrophe. Et Daniel, le gros bâtard, il va l'abandonner. Le fils. Est-ce que tu as précisé quand même qu'elle avait rencontré donc dans la salle d'attente le jeune homme C'est ouais, vrai. Là, il y a la petite romance qui commence. On va le revoir plus tard. On l'avait pas senti. Et son petit frère, la caution humoristique, le gamin qui va nous faire chier jusqu'à la fin du film. Fais gaffe, Greg, on a les auditeurs à Londres, je préfère te le rappeler. Qui nous donne beaucoup d'argent. Oui. Alors pendant ce temps-là, tout pète sur le toit où il y a la femme de Dwayne Johnson. Elle est sur un toit d'hôtel. Tout part en super déroute. Tout s'effondre. Et donc tout le monde a le réflexe de descendre de l'immeuble. Et elle, c'est trop marrant parce qu'elle fait « Tout le monde sur le toit, mon mari va venir avec un hélico. » Bah tu fais quoi si tout le monde monte? Oui, voilà, ouais. Je me suis dit, mais s'ils sont 40 sur le toit, le mec, il fait comment la sélection, quoi? Alors, je prends ma femme et les enfants. De toute façon, j'ai envie de te dire, vu l'état du toit, il n'y avait pas grand monde qui pouvait monter dans les Ouais. Est-ce que c'est vraiment une très bonne Parce que c'était pas une super bonne idée, en fait, hein, parce qu'elle a failli crever plusieurs fois sur le toit. Et alors là, ouais, alors ça va s'effondrer, elle va tomber. Mais moi, je me suis dit, mais putain, elle est un putain de vincible, la meuf. Jamais, quoi. Bah, tout est à la seconde près, encore une fois. Ouais. Vous avez remarqué le cuisinier qui prend feu? Oui. C'est incroyable, celui-là. Alors, il devait être en train de flamber une dinde au whisky, je pense, au moment où il est tombé. C'est renversé son whisky. Ouais. Il est où le grand Marnier, là? Oh putain! Et alors là, la meuf sur le toit, c'est effondrement, feu, méga force. J'ai noté méga force parce qu'elle soulève des trucs, elle court dans tous les sens, elle s'accroche. Et pour aller la chercher, Dwayne Johnson, il est tout seul dans un hélico et là il appuie sur un bouton. Alors ça me fascine. Auto-ouf. Mais ça, je serais curieuse de savoir. C'est dommage qu'on n'ait pas un expert en hélicoptère parce que je serais curieuse de savoir si c'est possible, vraiment, de mettre un hélicoptère sur automatique pour qu'il stagne. À mon avis, c'est possible, mais pas si des immeubles s'effondrent autour parce que ça doit faire des putains de souffles. Tu vois. Ouais. C'est ça qui est trop marrant, mais c'est que le truc, il est là au milieu des airs et à côté, t'as le 11 septembre qui se produit et l'hélico il bouge pas. Tu t'y connais un peu en hélico, Leslie? Ouais, alors ça existe. C'est possible de voler avec effectivement le système d'aérodynamisme. Là, voilà. C'est un autopilotage, comme en avion en fait. En fait, le dimanche, tu vas au cinéma en hélico. C'est ça. Et alors du coup, il récupère sa femme. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'il fout tout seul dans ce hélico en fait? Parce qu'avant, il avait une équipe pour faire des sauvetages. Et là, il est tout seul. C'est-à-dire quoi? Il fait sa petite balade dominicale ou il allait le garer, je crois. Ou... Ouais, il rentrait chez lui. Il rentrait au stand. Il allait faire ses courses, probablement. Il va au Simpli. Aux États-Unis, c'est comme ça qu'ils disent. Il balance à sa femme une espèce de brancard. Un brancard, ouais. Puis il le remonte. À main nue. Et au départ, il dit « Ah, elle est pas là » et tout. Pas pensé à juste regarder au bout. Et surtout, le mec qui remonte le brancard, il a dû le faire 355 fois dans sa vie, il se rend pas compte qu'il est plus lourd que... Voilà, c'est ça, il y a un poids. C'est un bout de dingue en aluminium qui pèse que dalle, et d'un seul coup, le truc fait 80 kilos. Il voit pas la différence, il a tellement de muscles. 80 kilos, à 80 kilos, pas 80 kilos près. C'est vrai que c'est la différence pour nous entre une feuille et une noix. Voilà, c'est les deux objets les plus légers que j'ai trouvés. Et alors là, sa fille coincée dans le parking, elle trouve enfin un téléphone et elle appelle Popo et maman. Ici Ray. Papa, aide-moi. Blake, qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu un énorme tremblement de terre. Je sais pas où est Daniel et je suis coincée dans sa voiture dans le stade de Montserrat. J'ai très peur, papa. Tu es blessée, ma chérie? Non, mais je suis pas blessée. Blake, saloperie. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Merde, son réseau cellulaire vient de lâcher. Les équipes de secours se mettront pas à creuser de sitôt et vont rester en surface. Il y aura déjà trop à faire au-dessus du sol. Mais alors... Qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher notre fille. Limite, il fait des bails de virilité avec sa femme, quoi. Ah, mais ouais, pourquoi il fait ça? Pourquoi il est là, j'attends, 10 secondes avant de dire on va la chercher, alors que c'est très bien que je vais la chercher. Bah, il réfléchit, il calcule, il fait. Bon, c'est possible. Mais ça lui arrive, plusieurs fois, tu sais, il est là, j'ai une idée, il regarde en coin, et ça met longtemps à venir. Ouais, parce qu'avant, faut qu'il check d'abord tous ses muscles. Mais... check... Et une fois qu'il a checké tous ses muscles, genre, c'est bon, tout marche bien. Ah bah maintenant, je vais dire une phrase. Ouais. Non, mais en fait, il se souvenait plus du mot fille. On va chercher comment. Attends, j'ai mis le j'ai bien mis le pain dans la panière à pain. Il a vraiment une voix de neuneu, quoi. Non, non, mais alors, c'est... attention. Dans la VO, il a pas une voix de neuneu. Ouais, ouais, la VO, je veux rendre au français ce qui est au français et au québécois ce qui est au québécois. J'ai la version québécoise, puisque je reconnais la voix de Dwayne Johnson sur l'extrait qu'on avait passé de Fast and Furious, qui était la version québécoise. Et dans le dernier extrait, vous verrez, il dit un mot anglais et c'est pas possible. Alors là, pendant ce temps, sa fille qui est coincée dans le parking, son nouvel ami british vient à la rescousse. Alors, et alors j'ai là... une question pour vous. Est-ce que quand vous connaissez quelqu'un depuis 10 minutes et qu'il y a un tremblement de terre, vous allez la sauver dans le parking? Bah, même si elle a... c'est le coup de foudre. Ouais, foudre. Ouais, là, attends, c'est le... On en a suffisamment parlé sur Notting Hill. Le prince charmant, quoi. Mais t'as vu les gros yeux qu'elle a, tu vois? Ouais, c'est ça. Ah, des yeux comme ça, tu plonges dedans. Et alors là, moi, il y a un truc qui m'a fait marrer, c'est que lui, il arrive et la meuf, elle est clairement les jambes totalement défoncées par un énorme parpaing et je le voyais trop faire genre. Ouais, non, je vais être handicapé à vie. Ouais, je me casse, c'est trop, je vais aller se trouver. Ça sent le mauvais plan, ça. Bon, manque de bol, bah, enfin, non, plutôt coup de bol, à une seconde près, elle a failli mourir. Mais en fait, non, tac, il a son. Ouais, non, cric, il est malin, alors, cric. Le mec arrive à crever des pneus avec un tuyau de 60, s'il te plaît. Bah déjà, le coup de bol, c'est qu'il y a quand même tout le roi Merlin dans le coffre de la voiture. Roi Merlin. Voilà. Il y a tout le roi Merlin. Non, mais c'est quand même malin ce qu'il fait, on est d'accord? Oui, c'est bien. Le franchement, coup du cric et le pour baisser la voiture, le coup des pneus. Admiratif, ouais. C'est vraiment très, très, écoute, très malin. Bah, Daniel, il n'y avait pas pensé ça. Hein. Daniel, alors qu'il est architecte et tout, machin. Mais ça décharge, parce que moi, j'ai plutôt envie de défendre Daniel. Il s'est quand même pris des parpaings sur la tronche et il y a mouvement de panique. C'est normal qu'il ait flippé aussi. Et lui, il est milliardaire. Mais Daniel, c'est. Franchement, au départ, on se dit, bon, allez, un être humain, mais c'est après qu'il devient vraiment fils de pute. De bah, attends, plus, un quoi. Moment, il prend un mec et il le dégage pour dans la fils de puterie, il va vraiment. Le riche mec, fils de pute. Le film ne va pas lui faire de cadeau. Et moi, c'est d'être vulgaire, mesdames. Ce qui me fait mourir de rire, c'est. Alors, je sais pas si c'est avant ou après la scène, en tout cas, la fille dit à sa mère que Daniel l'a abandonné. Donc la mère qui est avec Daniel, qui est en couple avec Daniel, elle l'appelle tout de suite au lieu de se dire putain mais s'il est pas revenu peut-être qu'il est mort. Je vais prendre des nouvelles quoi. Elle l'appelle au téléphone, elle le turbo menace. Ouais, en plus, enfin, je sais pas, ils étaient censés genre habiter ensemble, c'était. Mais tu sais, elle a pas l'air, elle est juste un peu en colère, mais. Non. Elle a pas l'air inquiète. Elle est pas triste spécialement. Elle cherche pas des nouvelles. Non, il est pas que je suis complètement planté sur le mec. Moi tu laisses ma fille. Tu sais, j'ai pas de fille, mais ma mère, moi je te défonce la gueule. C'est l'instinct mère fille. Et en plus, elle devait le sentir que Daniel c'était un pourri, mais voilà, elle était aveuglée par l'argent et par. J'en sais rien, bon bah c'est mes théories. Alors après, bon, ils arrivent enfin à la faire sortir de la bagnole. Comment on contacte papa et maman? Il faut un téléphone satellite cellulaire, je sais pas quoi. MacGyver. Et là, il faut absolument une boutique d'électronique. Personne ne connaît San Francisco, mais heureusement, le gamin, il a un pauvre routard de merde. Et là, il fait j'ai tout dans le bouquin, on va savoir exactement où il est. Bah, mec, comme si ça allait vraiment les sauver toutes les situations. Quoi. Et puis surtout, j'ai pas si ça peut le faire. C'est vrai que ça marche. Non, on peut quand même au moins rendre le mini-planète déshonneur quand même. Ils ont pris le temps de casser la croûte avant. Pas, ils ont fait tous les bons restos du coin. On va pas là, franchement, mauvais service, ils disent. Je sais pas si vous avez déjà feuilleté un guide du routard, mais je peux dire que les magasins électroniques ils sont pas dedans. Globalement, ça c'était quand même la petite intro, genre petite catastrophe jusqu'à présent. Là, on passe dans la grosse catastrophe non-stop. C'est presque le début de la scène de fin, quoi. Ah ouais, alors c'est presque le début. Juste avant. Le scientifique fou, il faut absolument qu'il diffuse un message à la télé. Donc il court dans le, je sais pas comment ça s'appelle, l'association Caltech. Film de la fac. Donc c'est écrit genre média association machin. En gros, moi normalement dans ces trucs là, il y a que des massifs qui fument des pets. Et là il y a des méga génius qui peuvent hacker la télé. Ouais, ils vont pirater la télé. Ils piratent la télé. Et en plus, je sais pas si c'est inquiet, mais l'émission qu'ils diffusent, ils font un petit montage caméra 1, caméra 2. J'ai pas trop stylé quoi. Qui piratait en fait. Si, il faut pirater. Il le dit d'ailleurs. Qui veut sauver des vies et pirater les réseaux et avoir des États-Unis. Moi j'ai une question concernant le scientifique. Et ma réponse est oui. Pendant tout le film, il reste à la fac qui ne s'effondre absolument pas. Ouais, c'est bâtiment. Mais là, ça tremble. C'est le bâtiment le plus solide de la ville. Oui, ça tremble, mais ils sont pas menacés. En même temps, ils sont que trois. Il y a lui et deux stagiaires. Ça n'empêche que l'immeuble peut s'effondrer. Oui, mais ils sont. Enfin, il y a est-ce qu'on va vraiment revenir sur l'architecture de ce building? Oui, parce que je me suis renseigné sur l'entreprise de BTP qui l'a construit. Non, mais ils sont en sécu parce qu'ils veulent se mettre sous les. Enfin, ils ont des très très bons bureaux et voilà quoi. Ouais, alors, mais puis c'est pas des buildings quoi. C'est pas sur un ou deux étages. Dwayne Johnson, il va avoir un accident à l'hélicoptère avec sa femme. Alors, trop de chance parce qu'ils vont s'effondrer en hélicoptère. Et comme lui, il était habillé en tenue de Marines et elle était habillée un peu légère, l'hélico va se cracher dans un magasin de fringues. Donc là, c'est vraiment très pratique. Et le truc qui me fait marrer, c'est qu'ils sont pressés et lui, il arrive, il prend les deux premiers trucs qu'il voit. Mais mec, le gars, tu fais du XXXXL, tu vois, tu dois être dans des méga spécifiques pour mettre ça. Lui prend le premier blouson, tu sais, j'imaginais trop le plan d'après. Il sortir en robe. Beaucoup trop petit, tu sais. En vrai, je vous rappelle que c'est les États-Unis quand même. Hein. Oui, c'est vrai. Oui, ils ont moi, ce qui me fait mourir de rire, c'est qu'ils arrivent. En fait, ils s'écrasent sur un espèce de centre commercial. Alors, il faut savoir qu'il y a quand même 3 jours de tremblement de terre déjà. Et il y a un mec en train de faire ses courses avec son caddie. Moi, ça me fait pas trop rire parce que franchement, ils sont pas passés loin de la mort. Encore une fois, là, on est quand même à une seconde près, quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte, ils survivent au crash du Joker. Moi, j'ai vraiment cru qu'ils allaient y passer, là. Franchement, non, là, mais en plus, il lui dit à sa femme, il dit bon, bah là, on va se crasher. Hein. T'es, mais tu sais, il peut pas dire, bah non, c'est bon, je suis pilote d'hélicoptère, je vais, tu vois, je vais assurer. Non, ouais, il a fait gratuitement, hyper flippé, quoi. Au final, il a assuré. Bah, il est tranquille quand même quand il lui dit non, là, chérie, on va se crasher. Bah, c'est pas la première fois qu'il se crache non plus, hein. Bah oui. Et c'était crashé la veille, l'avant-veille. Et alors c'est là, pas fini, hein, je vous annonce. Et alors là, il va trouver une bagnole pour ensuite trouver un avion. Alors là, oui, le meilleur moyen de transport. Il y a moyen de transport qu'il n'utilise pas dans ce film. Le ballon sauteur. Oui, le ballon sauteur. Bah, le métro, il prend pas de moto. Ouais, c'est vrai, il prend pas de moto. Hein. Et alors là, dans l'avion, flashback rafting. Ah, évidemment. Le trauma il original. A perdu une fille. Alors là, on a le droit à quelques images en noir et blanc avec une fille qui fait du rafting. Et en fait, voilà, une de ses deux filles est morte en rafting. Et du coup, ils s'en veulent. C'était la raison de leur rupture. C'est pas du tout parce qu'il lui tapait dessus. Et alors là, ils sont dans un coucou de l'enfer. Ils arrivent sur San Francisco. Ils se crachent. Et là, ils survivent. Non, ils se crachent pas. Ils sautent en parachute. Et là, hyper sereinement, il dit bon, franchement, on va sauter en parachute. Viens avec moi. Ok. Est-ce que tu te moques de moi ? Emma, on peut poser cet avion nulle part dans le coin. Et on doit se rapprocher le plus possible de la tour Coyne. Dans 3 minutes, on va survoler l'embarcadéro. Et on va devoir se parachuter dans le stade AT&T. Mais je sais pas sauter en parachute. Ça va aller, on va sauter en tempête. Je crois qu'on devrait rester dans l'avion. L'avion va plonger droit dans le Pacifique aussitôt qu'il manquera d'essence. Ok. Fais-moi confiance. Oh mon Dieu ! Est-ce que quelqu'un a déjà entendu le mot embarcadéro ? Ça fait non. Marrer. Mais alors, ce doublage est fait par Siri, en fait. Ça s'est fait à l'iPhone. Et après, nous allons sauter en parachute. Non, mais c'est surtout, t'as vu la manière dont tu lui parles. Mais c'est hyper dangereux. Et tu sais, au lieu d'être un peu affectueux, de la rassurer, il fait « Cet avion va s'effondrer dans le Pacifique. » Mais à chaque fois, il est comme genre... ça. Ouais. Comme le crash avant l'hélicoptère. C'est genre, bah là, on est foutu. Hein. Il est pragmatique. Hein. Alors qu'apparemment, il est quand même moniteur de parachutisme. C'est hyper bien, voilà. On a une chance sur deux de mourir. Ouais. Mais surtout, il fait. Non, mais tu sais, elle fait. T'inquiète pas, mais comme ça, là, on va sauter en parachute. Non, mais on va sauter en tandem, tu sais. Ah, bah c'est cool. Genre, j'ai plus peur, quoi. Quoi bon, non, t'as raison. Comment ils font pour viser le stade et pile le milieu ça, du truc, là. C'est des années de parachutisme, hein, j'imagine. Il est moniteur. Non, il a une très bonne vue en plus. Ça, c'est de la maîtrise. Mais c'est vrai qu'à une seconde près, quand même, il tombait pas dans le stade. Ça, il faut bien l'avouer. Mais surtout, j'ai eu de la chance. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai cru qu'il allait ressortir avec une grosse main et un hot dog. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les images où ils sont en parachute, on dirait vraiment un baptême, c'est elle est trop contente. Ouais, c'est un peu sympa. Ouais, ouais, ouais, ils sont là, genre putain, mais ça c'est limite, il y a un autre mec qui saute à côté, qui les filme et tout, tu sais, genre limite, ils passent un bon moment, quoi. Ouais, ils ont l'air de kiffer. Ils atterrissent dans le stade. Très bonne vanne sur la second base. Ah, exactement, oui, je suis pas sur la touche. C'est. Ah, il dit ça en français ? Ouais, en français, c'est... Ouais. Ah non, là, et en anglais, elle est vraiment bien. C'est pas la première fois que je t'emmène sur la seconde base. Oui, ce qui a... mais en seconde base qui revient... Je crois que c'est embrassé, en seconde base. Seconde base ? Ouais. Non, c'est je pense ploté, que c'est plus. C'est ploté, seconde base. Hein ? Je comprends pas ce que tu sais pas ce que c'est. Je ou... pense que c'est plus. Je pense que c'est couché, mais je suis... Enfin, moi, je le voyais. Non, seconde base, pour moi, c'est... Non, non, couché, c'est la dernière base. Ah ouais ? C'est le home run. Mais c'est pas du baseball. Alors ensuite, le film va drôlement s'aquatiser, puisque alors là, c'est le tsunami. Alors attends, déjà, il faut que t'expliques le triangle de vie. Parce que moi, s'il y a bien une chose qui m'a été apprise dans ce film, c'est le triangle de vie. Ouais. C'est cette grande théorie. Moi, j'avais les épaules de Zeroc, le triangle de vie. Mais non, la théorie du triangle de la vie. C'est il faut se mettre derrière une paroi solide avec cette théorie du triangle de Pythagore. Ah ouais, bah surtout pendant un tremblement de terre, n'hésitez pas à vous mettre près des parois, quoi. Elle est complètement con. C'est une théorie illuminati un peu, quoi. Le truc du triangle de la vie, ça. Mais moi, je crois The Rock. Hein. Moi, je pense que The Rock est un reptilien. Et alors là, l'idée, c'est de prendre un bateau. Bonne idée, puisque tu dis séisme. Sur un bateau, ça devrait être relativement tranquille. Mais non, mais parce qu'ils doivent traverser pour rejoindre, traverser San Francisco. Ouais, c'est vrai. Et alors là, c'est le tsunami. Alors, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, mais... Heureusement qu'ils trouvent un Zodiac et pas un canoë, quoi. Parce qu'ils ont arrêté la rame. Attends. Déjà, au moment où on apprend le tsunami, c'est une scène où il y a la sœur, enfin, où il y a la fille... Et ses amis là qui sont en plein milieu de San Francisco. Et à un moment, ils courent dans les rues se vident. Bon, alors, je sais pas pourquoi. Et là, elle regarde, elle entend. Et là, elle fait un tsunami. Attends, cette alarme, elle s'est pas déclenchée pendant les 900 tremblements de terre d'avant. Par contre, il y a un tsunami, il y a un mec qui fait un tsunami, mais non, j'allume l'alarme. Mais non, c'est le premier mercredi du mois, tu sais, c'est le premier. C'est la sirène qui. Mais là, c'est pareil, hein. Putain, un coup de chance avec le tsunami. Ils sont passés. Moi, j'étais inquiet pour eux. Hein. Ils sont passés à une seconde de la mort, une fois de plus. Hein. Alors, parce qu'il y a le tsunami compte, hein. Et il y a le cargo ouais. Chinois, quoi. Ah, ça, c'est pareil, hein. Ils passent à une seconde. Hein. Et j'ai pas peur de leur pare-brise, je sais pas si vous avez remarqué. Ils vont le perdre deux fois. Ça va devenir un premier bateau un peu light et après ça va vraiment devenir une décapotable. Vous savez pourquoi? C'est parce qu'en fait, le pare-brise, c'est pas du tout viril en fait. Ce qui est viril, c'est d'avoir vraiment la tête au vent. Et quand t'as un pare-brise, c'est que t'as un peu une poussie parce que tu vois, genre tu te protèges du vent. Mais lui, après une heure de bateau, il doit avoir plein de moustiques morts sur le bras. Vous avez pas aussi remarqué que le jeune homme qui est avec donc la fille, il se prend un espèce de gros morceau de verre. Moi, j'ai trouvé ça trop cool dans la jambe parce qu'à chaque fois, il y a plein de bris de verre qui tombent sur les personnages, mais ils ont jamais rien. Et là, je me suis dit, ah bah tiens, chef, tous ceux qui n'ont pas pris avant toi, toi tu as un gros morceau de verre. Ouais, mais ça lui fait rien du tout parce qu'après le film il va pouvoir nager, courir. Mais c'est surtout, on ne retire pas un gros morceau de verre d'une cuisse. T'imagines si c'est sur une grosse veine ou un truc comme ça. Non, mais t'as raison, Julie, moi j'en ai un depuis 3 mois. Bah, tu devrais l'enlever. Ça a drôlement gonflé. Il a eu beaucoup de chance parce que ça aurait pu lui tomber sur la couenne. Heureusement que c'est tombé sur la jambe, mais il a eu beaucoup de chance encore une fois. Je suis très inquiet pour lui. Oui, puis Blake, elle a su lui faire un petit garrot parce qu'elle est super forte. Elle a un père sauveteur. Elle est costaude. Hein. Alors, du coup, elle enlève son gilet, ce qui permet de voir ses grands yeux encore un peu plus. Alors, il y a un truc qui est trop marrant aussi, c'est que, parce qu'on n'a pas bien expliqué, mais lui, il est dans un espèce de speedboat à moteur avec sa femme et il va prendre le tsunami de face parce que c'est la meilleure façon pour l'esquiver. Ça, je vous conseille de faire ça, hein, même si vous n'êtes pas un bateau à moteur. Faut foncer dessus. Faut foncer dessus. Et alors, au bout d'un moment, il est vraiment à la perpendiculaire. À la verticale. Hein. Et alors là, t'as plein de bateaux. Bah, évidemment, ils ont pas les muscles. Mais lui, c'est le seul qui tient, quoi. Il tient. Il est là, allez. Sachant que The Rock fait quand même 335 kilos. Oui, il devrait plutôt lister le truc. Et en fait, au moment où il arrive en haut de la vague, qui c'est qui apparaît? Tintin, un énorme cargo avec des conteneurs. Et donc là, il va se décaler au dernier moment, mais ça suffit. Mmh. Et le premier truc qu'il fait quand il arrive en haut de la vague, il éteint son moteur. Genre, c'est bon, je suis juste en haut d'un tsunami, c'est nickel. Il va plus rien m'arriver maintenant. Genre, vraiment, il fait genre, wow. S'il se retourne un peu, c'est genre, il regarde au loin, genre, c'est bon. Regarde après... si on peut pas récupérer des DVD avec dans les conteneurs, là. Et surtout, il sort sa baguette de pain et sa rillette. Il est super au calme. Il sort une tartine. Il sort une canne à pêche. Ah, c'est un bon spot en haut d'une vague comme ça. Le cargo qui va avoir comme quand même comme effet positif de tuer le beau-père fils de pute qui va tomber dessus. Ah ouais, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Ouais, il est sur le Golden Bridge. Prend, bah, comme petit il est méchant, il meurt. Mais lui, c'est pareil. Hein, à une seconde près, j'ai eu peur pour lui. Hein, j'étais inquiet. J'ai vraiment cru qu'il allait mourir. Hein, bah, une seconde près. Et alors là, c'est le super final. Alors, les enfants, la mauvaise idée qu'ils ont eue, c'est d'aller dans le building qu'a construit le beau-père méchant. Très bonne idée. Hein. Et alors, ils sont au milieu très du building. Très bonne idée pendant un tremblement de terre d'aller dans un building. Franchement, moi, je trouve ça... Bah, ça, c'est The Rock qui avait donné l'idée, à la limite. Et alors là, coup de chance, j'en sais rien, mais ils sont au 6e étage à peu près de ce building. Et là, le tsunami arrive. Et le niveau du tsunami, c'est genre 6e étage et demi. Quoi. C'est-à-dire, au 5, ils seraient complètement morts. Au 7, ils n'auraient rien eu. Là, c'est de l'eau un peu à la Titanic, tu sais. Ils ne sont pas passés loin. Franchement, Greg, il a raison. Encore une fois, c'est... Si tu mets la fille dans l'eau, tu vois encore mieux ses yeux. Quoi. Enfin, c'est vraiment... elle n'hésite pas à ouvrir les yeux sous l'eau, d'ailleurs. Et là, ce qui est trop marrant, c'est qu'ils sont dans ce building en plein milieu. Quoi. Enfin, c'est quand même très grand, San Francisco. Et là, lui, il passe en boat à côté avec sa femme. Mais ils sont tout seuls, en plus. On dirait qu'il n'y a que cette famille. Il n'y a aucun noyé, il n'y a pas de cadavre. Il n'y a vraiment personne, quoi. C'est hyper bizarre. Moi, ça m'a vraiment fait penser à Steamboat Willie avec Mickey. Tu sais, c'est le moment où on voit les gondoles. Ceux qui connaissent ces dessins animés en noir et blanc, quand même. C'est le moment où on voit les gondoles passer derrière. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai qu'il y a très peu de morts, en fait. Il n'y a personne. Il y a zéro cadavre. Il se balade avec son bateau et c'était tranquille. Ouais. Moi, j'ai eu peur parce que j'ai cru qu'il allait y avoir des requins comme dans Sharknado, mais finalement, ça c'était assez. C'est dommage, ça manquait. En réalité, je pense qu'il y a quand même 10 bons millions de morts, quoi. Ah bah, 10 bons millions. 10 bons à la louche. Mais on les voit pas, ils ont d'après, je sais pas, ils ont moi j'ai, disparu. J'ai regardé sur internet, d'après ce que j'ai vu, ils sont 23. 23 millions. Non, 23. Ah, alors, bon, bah, au moment où il va aller chercher sa fille, évidemment, c'est la main tendue et pouf, le building tombe de 2 étages. Ah, donc dans l'eau. Oh là là, c'était quel coup, ouais. Coup de malchance là. Moi c'est pareil là. J'ai vu ça, j'ai dit non, c'est ah pas là, possible. Et puis c'est le building de Daniel. Et Daniel il avait dit que son building, eh ben, il était hyper solide et tout. Et il a, en menti. Fait, il a menti. Non, il a pas menti parce que son building, au lieu de s'effondrer, il tombe juste de 2 étages. Il s'enfonce un peu dans la terre. Ouais. Ouais, ce qui est pratique au final. Ah oui. Bah. Alors, elle, elle va se noyer. Papa à la rescousse. Lui il arrive. Monsieur. La rescousse. Ouais, tu dis rescousse. Bien tout à l'heure. Bah, il faut dire quoi. C'est pas un poisson ça, rescousse, non. Mais non, à la rescousse. À la rescousse. À la rescousse. À la rescousse. À la rescousse. Oh, bah pour une faute d'axe, hein. C'est comme ça qu'on dit dans mon village, on dit rescousse. Donc là, il va lui sauver la vie à sa fille. Alors, il y a tout un truc qu'on croit qu'elle est morte ou non. Et alors là, la mère, elle est de l'autre côté avec le super bateau. Le building, il est fermé par des vitres quand même, qui ont l'air assez solides. Ouais. Et là, comment on casse une vitre, Greg? Avec un bateau. Enfin, t'as plusieurs façons. Bah, la première, la plus commune, c'est de foncer avec un Zodiac dessus. Après, tu peux avoir un marteau brise-verre, mais bon, ça c'est un peu nul, quoi. Ou alors, tu peux essayer de taper dessus, mais en général, tu arrives pas dès le premier coup, tu arrives juste avant que l'immeuble s'écroule, donc il faut être un peu patient si tu veux le faire au pied, quoi. Et là, le bateau, mais quelle idée trop conne, elle fonce. Pourquoi elle repart après dans le mauvais sens? Au lieu de faire juste la marche arrière, elle se retape tout le building qui est en train de s'effondrer. ça, c'est pour faire plaisir à Greg, pour que ça marche à une seconde. Et je pense que c'est pour ça. Pour le coup. Là, on était vraiment. Là, parce que là, vraiment, c'était vraiment limite. Et alors là, effectivement, ils sortent du building. Le building s'effondre, mais d'un coup. Une seconde près, putain. Et là, c'est pareil. On a l'impression que sa fille va mourir. Il lui fait du bouche à bouche. Il lui tape dessus. Ça marche pas. Au départ, ça marche pas. Puis il regarde sa femme. Que genre, et puis là, il dit non, quand même, faut que je réessaye encore. À l'américaine, il abandonne jamais. Ouais, voilà. Mais surtout, Dwayne Johnson, tu sais, qui te fait un. Il a dû lui péter un massage cardiaque. Je vais péter la profit, elle peut plus marcher, quoi. Ah, c'est terminé. Non, c'est fou, moi, j'ai eu peur qu'elle lui crève les yeux. Bon, en tout cas, c'est quand même une belle happy end. Tout le monde est sain et sauf. Non, elle et ses deux énormes globes oculaires. attendez, il y a quand même. Bon, bah, juste pour boucler, hein, il y a quand même la morale de la fin, c'est qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ah, mais c'est la magnifique phrase de fin. We're gonna rebuild. On va reconstruire. Ouais, mais est-ce que c'est pas un message de paix et d'amour à tous les massifs? Ça, c'est finalement. Je pense que c'est un message de paix. Hein. Moi, et puis plan sur le drapeau américain qui flotte. Ouais. Mais c'est assumé. Ça ne boude pas son cas. Ah bon, bah ça va si c'est assumé, alors c'est pas nul. Non, bon, bah bref. Voilà, c'était notre avis sur ce film. C'est l'heure d'un second avis. Je n'ai que faire de votre opinion. N'insistez pas, c'est inutile. Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un. J'ai pas mal de commentaires, je crois que j'en ai 7. Oui, 7 commentaires 5 étoiles. J'ai pris que du 5 étoiles. Génial. C'est un condensé de résumé de prix Nobel, hein, je préfère vous prévenir. Ça commence par Phil Oscar qui dit... Philosophe Oscar, oui. qui dit « J'attends de regarder ce film afin de voir s'il est à la hauteur de sa pub. 5 étoiles. Mais pourquoi? Il a même pas vu. Non, il a vu la réclame. Il a réclamé bien. Hein. Mais tu sais, le gars, il sort de la salle de cinéma, il fait « Oh, il est vraiment à la hauteur de la pub. » Alors ensuite, on a client d'Amazon. Client Amazon, qui laisse des commentaires très drôles. Il fait « Acheté exclusivement pour tester téléviseur, amplificateur au cinéma et enceinte. C'est 10 qu'il faut. Un événement catastrophique toutes les minutes, avec des effets spéciaux les plus impressionnants. Pour ceux qui aiment les scénarios corsés, passez votre chemin. Mais pour ceux qui aiment en prendre plein la gueule, c'est parfait. 5 étoiles. Le mec, il veut juste se la péter avec son cinéma, quoi. C'est ça, exactement. Mais il a passé un bon moment, c'est l'essentiel. Ça me rappelle un peu les mecs qui font du tuning, c'est pour tester, ta bagnole tuning. Tu viens d'où? T'as grandi dans un endroit où il y a... Dans le Nord. Okay. C'est pas ce qu'il me semblait. Alors ensuite, on a 69, Framboise 69, qui nous dit une petite phrase. Qui dit, un film génial, touchant, émouvant, qui amène à réfléchir. Moi, j'ai pleuré à la fin du film. Moi, j'étais inquiet, moi. Putain, j'étais inquiet. Alors ensuite, on a JM2. Qui dit « Très content de ce film, il y a de beaux effets spéciaux. Et je n'ai rien d'autre à dire sur ce film, moi. <t'as>... » Du coup... Merci JM. JM2. Il l'écrit. J'ai envie de l'écrire, oui. Et j'ai envie de dire JM2, quand on n'a rien d'autre à dire, on ferme sa gueule. Ouais. Ensuite, on a Christophe Gusmaroli qui dit... J'aime bien quand il laisse nom, prénom, hein. Ça permet de... Oui, ça permet de les identifier, vous pouvez leur envoyer un courrier si vous désirez. Il fait « Film que génial !» Oh, beaucoup d'action. Ah, les immeubles n'arrêtent pas de s'effondrer. Hein. Pas une seconde sans action. Un très bon film d'action. 5 étoiles. Ensuite, on a Vince Voice qui dit « C'est un film d'action. Pas un film à se tordre les méninges. Pourquoi voir ce film? Pour en prendre plein la tronche et voir un film catastrophe. Et si vous cherchez un film qui fait réfléchir, passez votre chemin. Ici, c'est le monde des effets numériques d'enfer et des bimbos. Super. Super derrière les bimbos. Hein. À l'heure actuelle, niveau effets spéciaux, film catastrophe, j'ai rien vu de plus impressionnant. Je comprends pas les commentaires, y a pas de scénar, y a pas de scénar. Mais c'est un film d'action. Faut que ça claque, on s'en fout. La critique est unanime, hein. C'est un film d'action. Hein. Et pour finir, on a Boromir qui nous dit « Ça, Andrea, c'est excellent ce film. Et au top, j'ai vraiment passé un très bon moment cinéma, franchement. C'est la première fois qu'un film catastrophe m'a scotché à ce point-là. Dès le début, San Andreas est prenant et prend aussi aux tripes. Et surtout, tout est bien ficelé, le scénario est super et les personnages attachants, sinon les acteurs sont géniaux. Et l'action est bien dosée, au contraire de Mad Max. Là, l'action est dosée comme il faut. Pourquoi il compare ça à Mad Max? Il compare ça à Mad Max. Sinon, au niveau des effets spéciaux, ils sont tout simplement bluffants et impressionnants. Ah, oh, et vraiment au top aussi, hein, la BO. Bref, ce film est une réussite totale. Et tout est bien ficelé. Et on passe en plus un excellent moment. C'est pas le petit frère de fan de Coach. Avec San Andreas, bref, San Andreas a mis la barre haute. Et c'est un film à voir vraiment 5 étoiles. Voilà, c'était notre avis et celui des autres sur le film San Andreas. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler des chefs du Pentagone. Mais avant, deux choses. Déjà, on remercie les cités de nous avoir accompagnés ce soir. Ah oui, merci. Merci à vous, c'était un rêve. On espère que ça t'a plu. Mais d'ailleurs, tu. Comme dans un rêve. En fait, t'as été invité parce que t'as trouvé le coupon magique dans les Miel Pops. C'est ça, c'est pas. Mais oui, bah, celui bah, en oui. or. Tout. Alors, vous pouvez le trouver. C'est d'autant plus difficile que c'est très difficile déjà de trouver une boîte de Miel Pops. Mais du coup, faut tirer un film quand même. Est-ce qu'il doit tirer un film? Bah si. Ah bon? Bah oui. Bon, depuis quand? On en a qu'un? Bah non, on en a deux. D'habitude, on en tire deux. Où est-ce qu'on te retrouve, Leslie? Désolée, je reprends la main. Et ben, on retrouve. Bah, j'ai on ma dernière BD. C'est Devenir zen pour les nuls. Et si vous êtes un peu stressé, tout ça, c'est pas mal. Je donne des petits conseils et tout. Et sinon, toutes les semaines, tous les dimanches, sur le site d'Arte, l'émission Personne ne bouge, je fais des petites planches de BD sur leur site. Ah, c'est mortel. Voilà, tous les dimanches. Ça, moi, j'adore Personne ne bouge. En c'est plus. Trop bien cette PNB. Émission. Ouais. Et à chaque fois, bah, en fonction de leur thème, je fais des planches. Et en fait, j'imagine des comédies musicales à chaque fois sur le thème. Alors, j'adore les comédies musicales. Ouais, moi aussi, j'adore. Putain, on adore tout ce que tu fais. Allez-y. Et j'adore être zen, putain. Moi aussi, j'aime trop Antoine, ça. Antoine, juste, on rappelle les bails du concours ou pas? On rappelle tous les bails du concours. Cette musique, d'ailleurs, va s'arrêter, mais je vais la remettre. Regardez, hop, et on ne s'est rendu compte de rien. Le grand concours de ZHDP, le 36-15 concours, vous l'attendez tous. Si jamais vous voulez participer à 2 heures de perdu, mais vraiment participer, c'est-à-dire prendre la parole au micro avec nous pendant une émission en parlant du film de votre choix, vous pouvez participer à notre grand concours. Je vous invite à aller sur 2hdp.fr pour lire toutes les conditions du concours. Je vais essayer de lever mon doigt encore plus haut. Rappelle l'adresse mail. www.2hdp.fr. On rappelle qu'il suffit de vous enregistrer dans une salle de bain. Dans un enregistrement de moins d'une minute. Pour nous parler du film que vous voudriez faire et l'enregistrement le plus drôle sera retenu. C'est pas ça qu'on a dit. Bah si, c'est ça. Bah vous dites pas. Bon bref, vous bah, m'envoyez. Ouais, m'envoyez un truc et puis j'annule ce concours de merde. Bah écoutez, envoyez-lui une photo de vacances et puis on va faire comme ça. Pour ceux qui font de la peinture sur assiette, je suis très intéressé aussi. Voilà, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler des chèvres du Pentagone. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Salut. Allez, ciao. Salut.